croyais qu'on avait coupé. Tu es bon, mon chéri, mon pauvre chéri, à qui j'ai fait du mal. Oui, parle, parle, dis n'importe quoi, je souffrais à mourir par terre. Il suffit que tu parles pour que je me sente bien. Que je ferme les yeux. Tu sais, quelquefois, quand nous étions couchés et que j'avais ma tête à sa petite place contre ta poitrine, j'entendais ta voix exactement la même que ce soir dans la J'entends de la musique. Je dis, j'entends de la musique. Eh bien, tu devrais cogner au mur et empêcher ses voisins de jouer de gramophone à des heures pareilles. C'est inutile. Du reste, le docteur de Marthe reviendra demain. Ne t'inquiète pas, mais oui, elle te donnera des nouvelles. Quoi? Oh, c'est mille fois mieux si tu n'avais pas appelé. Je serais morte. Que cette scène est intolérable et que tu as bien de la patience. Mais comprends-moi, je souffre, je souffre. Ce fil, c'est le dernier qui me rattache encore. Dorme après le sommeil. s'échapper et sortir pour aller où? Mais mon pauvre chéri, je n'ai jamais eu rien d'autre à faire que toi. Marthe a sa vie organisée. Seule! Voilà 2 jours qu'il ne quitte pas l'antichambre. J'ai voulu l'appeler, le caresser. Il refuse qu'on le touche. Un peu plus, il me mordrait. Oui, moi, je te jure qu'il m'effraie. Il ne mange plus, il ne bouge plus. Et quand il me regarde, il me donne la chair de poule. Comment veux-tu que je sache? Il croit peut-être que je t'ai fait du mal. Pauvre bête, je n'ai aucune raison de lui en vouloir. Je ne le comprends que trop bien. Il t'aime. Il ne te voit plus rentrer. Mais c'est un chien. Malgré son intelligence, il ne peut pas le deviner. Mais je ne sais pas, mon chéri. Comment veux-tu que je sache? On n'est plus soi-même. Songe que j'ai déchiré tout le paquet de mes photographies. D'un seul coup, sans m'en apercevoir. Même pour un homme, ce serait un tour de force. Allô? Allô, madame? Retirez-vous! Vous êtes avec des abonnés! Allô? Mais non, madame! Mais madame, nous ne cherchons pas à être intéressants! Si vous nous trouvez ridicules, pourquoi perdez-vous votre temps au lieu de raccrocher? Oh! Ne te fâche pas! Après avoir dit cette chose ignoble, tu as l'air frappé. Si, tu es frappé. Je connais ta voix. Mais mon chéri, cette femme doit être très mal. Et elle ne te connaît pas. Elle croit que tu es comme les autres hommes. Mais non, mon chéri, ce n'est pas du tout pareil. Pour les gens, c'est bon, on se déteste. Les ruptures sont des ruptures. Ils regardent vite, tu ne leur feras jamais comprendre. Tu ne leur feras jamais comprendre certaines choses. Le mieux est de faire comme moi et de s'en moquer complètement. Rien. Je crois que nous parlons comme d'habitude. Et puis, tout à coup, la vérité me revient. Dans le temps, on se voyait, on pouvait perdre la tête, oublier ses promesses, risquer l'impossible, convaincre ceux qu'on adorait en les embrassant, en s'accrochant à eux. Tranquille. de peur, de froid. Je ne saurais pas acheter un revolver. Tu ne me vois pas achetant un revolver. Séparation moins pénible. Je ne dis pas que tu mentes. Je dis si tu mentais et que je le sache. Si, par exemple, tu n'étais pas chez toi et que tu me dises non, non, mon chéri, écoute, je te crois. Si tu prends une voix méchante, je disais simplement que si tu me trompais par bonté d'homme et que je m'en aperçoive, je n'en aurais que plus de tendresse pour toi. Mon Dieu, faites qu'il redemande. Mon Dieu, faites qu'il redemande. Mon Dieu, faites qu'il redemande. Mon Dieu, faites qu'il redemande. Mon Dieu, faites. On avait coupé. J'étais en train de te dire que si tu me mentais par bonté et que je m'en aperçoive, je n'en aurais que plus de tendresse pour toi. Bien sûr, tu es fou.